السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Bon, la dernière fois, c'était quand dimanche dernier, il y a eu une coupure qui fait que je n'ai pas pu donner le ders. Donc on va poursuivre ce qu'on avait commencé. C'était à partir de la 194e question. يقول المصنف رحمه الله تعالى ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة. Donc quel jugement se rapporte aux mouahidin, les gens de tawhid qui meurent en étant sur les grands péchés. Comme étaient pro grands péchés, ils persistent dessus. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Dans le sens où il a dit et que nous placerons les balances de l'équité le jour de la résurrection et que personne ne sera lésé. Il s'agit, quand bien même il serait, ne serait-ce qu'un grain comme les grains de moutarde. Khardal à la base c'est comme de la moutarde et ces grains sont tout petits. Et combien même quelqu'un ferait un mal ou un bien de cette taille-là, on le citera. Et nous sommes prompts à compter. Verset l'Anbiya, les prophètes, verset 48 au 47. Encore la Ta'ala, « وَالْوَازْنُ يُمَيْزِمْ الْحَقْ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَيْكَ هُمُ مُفْلِحُونَ » Et que la vérité sera ce jour-là, ce sera la vérité, plutôt. Le poids ce jour-là sera la vérité. Et celui dont la balance pèsera, alors ceux-là seront les victorieux. « وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَيْكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ » Quant à ceux dont les balances seront légères, ceux-là sont ceux qui se seront eux-mêmes, qui auront même causé leur perte pour avoir été injustes envers nos versets. Al-A'raf, versets 9 à 8. Et l'auteur cite à différents versets sur cette question-là, qui est que le jour du jugement, toute action sera exposée, la bonne comme la mauvaise. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. Celui dont le compte sera débattu, c'est-à-dire le registre des actions, celui qui sera débattu, il sera châtié. وقالت له عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Allah dans le Coran n'a-t-il pas dit et qu'ils seront, ils rendront les comptes de façon facile en parlant des croyants. الانشقاق la fissure verset 8. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم بلى إنما ذلك العرض. ولكن من نوقش الحساب عذب. Il a dit si, c'est-à-dire qu'en fait les croyants qui seront parmi les gens de la réussite, il n'y aura pas de débat par rapport à leurs actes. Juste leur sera dit tu as fait telle chose. Et le croyant ne pourra que admettre en disant oui. Cependant le Nabi sallam dit celui qui sera débattu, d'accord, ce qu'il a fait, il y aura un débat par rapport à ce qu'il a fait. Pourquoi telle chose, ainsi de suite, lui sera châtié. وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وددها في سابق ومقتصد وظالم لنفسه. Donc il a dit justement dans les douloureux précédents avec les preuves qu'on a citées, on a vu que les gens مثلاً lors de la station debout, lors de la pesée des actes, lors de la diffusion des registres, lors de l'exposition des œuvres, lors de du rendu des comptes, lors du passage sur le pont et des intercessions, on a vu que les gens étaient de différents niveaux et que leurs situations sont différentes et cela par rapport à leur niveau de foi et d'action en ce bas monde. Certains étaient allés de l'avant, d'autres étaient au milieu et d'autres étaient injustes envers eux-mêmes. إذا عرفت هذا فعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أنا العصا من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. Donc il a dit, maintenant, si tu as su cela, cette introduction qu'on vient de dire là, sache que tout ce que les versets indiquent et que les hadiths indiquent, et c'est sur quoi étaient les compagnons et les imams du tafsir et autres, c'est que les gens désobéissants parmi les gens de Tawhid sont de trois catégories. Al-Ula, comme Rajahat Hassanatuhum wa Siyatuhum, fa'ulaika yatrulun al-Jannah, la tamassuhum al-Nar abada. Premier niveau de ces gens-là, ce sont ceux dont les bonnes actions l'emportent sur la mauvaise. Les gens de Tawhid, on parle. Donc ces gens-là rentreront au Jannah sans être touchés par le feu. Ceux qui ont plus de bonnes actions que des mauvaises, parmi les gens de Tawhid, eux rentreront au Jannah. وثانياكم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فكثرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم من النار. Les autres sont ceux dont les bonnes et mauvaises actions se valent. Ils ont autant de mauvaises actions que de bonnes actions. Et ceux-là sont les gens de l'A'raf. Surat al-A'raf, ce sont des gens que Allah a dit à leur sujet qu'ils seront bloqués entre le Jannah et le paradis. Et ensuite, d'accord, il leur sera permis de rentrer au Jannah. Donc il leur sera pardonné et finiront par rentrer au Jannah. Lisez surat al-A'raf, lorsque Allah Azza wa Jal parle de l'échange qui est entre les gens du paradis et les gens du feu, il parle des gens de l'A'raf, ce sont eux. Ils resteront un temps au milieu entre les deux et finiront par rentrer au Jannah. وَالطَّبَقَةَ الثَّالِثَةَ قم لقول الله تعالى مصرين على الكبائر والإثم والفواحش وما هم أصل التوحيد والإيمان فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فهؤلاء الذين هم يدخلون النار بقدر ذنوبهم فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلى أثر السجود. Et la troisième catégorie, ce sont les gens qui persistent sur les grands péchés et les turpitudes, ainsi de suite, mais qui ont la base du tawhid avec eux. Et eux, leurs mauvaises actions sont plus nombreuses que leurs bonnes actions. Ceux-là rentreront au feu et ils resteront, ils seront châtiés en mesure de leurs péchés. Puis en auront, puis seront châtiés. Et ainsi de suite. Parmi eux, certains dont le feu viendra jusque aux chevilles, d'autres viendront jusque à leurs jambes, et d'autres qui viendront jusqu'à leurs genoux. Sakai, c'est les mollets, on va dire plutôt, nam. Et d'autres qui viendront jusqu'au niveau du genou. Et d'autres qui seront complètement calcinés, si ce n'est la trace du soujoud, c'est-à-dire c'est des gens qui faisaient salat. Que le feu ne touchera pas les marques de la prosternation. Donc on parle de gens qui font salat. Et eux, ce sont les gens qui auront droit justement à la shafara du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et autres parmi les Anbiya et des Awliya et des Malaika. Parmi ceux que Allah aura voulu honorer par la Shafa'a. Donc cette Shafa'a sera donnée à des croyants pour des croyants. Cependant, les croyants pour qui on intercédera seront des gens qui à la base auront plus de péchés que de bonnes actions. Mais ils ont la base du Tawhid. Ils ont la base du Tawhid. Et ensuite viendra la shafa'a pour eux au fur et à mesure. Mais que le Khurasa, parce que là je ne dis pas tout ce que l'auteur il a dit, parce qu'il a bien un paragraphe qui est assez long, qu'ils sortiront au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun serviteur croyant dans le feu parmi les gens qui auront le minimum qui soit de bien, c'est-à-dire deux fois le tawhid. Walakin كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها. Et plus la personne aura la foi et moins elle aura de péché, et moins elle aura de châtiment au feu, et moins elle y restera longtemps. Et plus vite elle en sortira. Donc tout cela se passe en premier lieu في هذه الدنيا, en ce bas monde. Dar al-ibtila wa al-amal. Et il dit justement wa za maqam darabat fihi al-afham wa zalat fihi al-aqdam wa ikhtalafu fihi ikhtilafan kathira. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Il dit que c'est dans ce sujet-là, cette question-là, que beaucoup de gens se sont perdus et ont eu de mauvaises compréhensions, qui est la sortie des gens du feu parmi les gens du Tawhid. Car comme vous le savez, les Khawarij, eux voient que les gens des Kabaïr et autres resteront au feu éternellement. Et vous avez les Murjia, qui voient que les gens, quoi qu'ils aient fait, du fait qu'ils aient dit « La ilaha illallah » ou qu'ils aient eu, soit qu'ils le prononçaient, ou soit, ça dépend de du niveau des Murjia qu'il y a, ou soit qu'ils ont la simple reconnaissance qu'ils ont admis, sans pourtant ils n'ont pas appliqué et ils n'ont pas prononcé ou quoi, ainsi de suite, que eux ils iront au paradis qui sont les croyants. Et les gens de la Sunna, c'est les gens du milieu. Ce sont les gens du milieu. طيب ثم قال في السؤال الخامس والتسعين بعد المئة 195 question. هل الحدود كفارة لأهلها؟ Donc il dit maintenant, est-ce que les sentences qu'on applique pour les gens en ce bas monde sont une expiation et une purification de leur faute? C'est-à-dire les gens qui ont droit à une sentence légiférée en ce bas monde, d'accord, comme la peine de mort ou l'amputation ou la flagellation ou autre, parmi les choses qui sont basées sur des hadillah, est-ce que celui qui subit cela viendra avec le péché qu'il a commis malgré tout? Il dit, « Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa hawlahu asabat min ashabihi, bay'uni ala an la tushriku billahi shay'a, wa la tasriku, wa la taznu, wa la taktulu awladakum, wa la ta'tu bi buhtanin, تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجروا على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفاه أو عفى عنه وإن شاء عقبه يعني أهل الشرك وقال عبادة فبيعناه على ذلك. Donc l'a dit النبي صلى الله عليه وسلم à ses compagnons, portez-moi allégeance à ne rien associer à Allah Azzawajal, ni de voler, ni de forniquer, ni de tuer vos enfants, ni de venir avec des mensonges. D'accord ? Toute forme de mensonge et d'invention. Et ne désobéissez pas, c'est-à-dire ne transgressez pas ce qui est convenable. Et que celui qui aura été justement loyal envers ce pacte d'allégeance, sa récompense incombe à Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui aura transgressé une partie de cela, alors il sera châtié en ce bas monde, et cela sera l'expression pour lui. C'est-à-dire, celui qui aura volé et qui se fait attraper, et un vol selon les conditions, vous savez c'est quoi la sentence? Sa main elle est coupée. Celui qui aura forniqué, c'est la sentence. Soit il est flagellé si jamais c'était quelqu'un qui n'a pas connu le mariage, ou soit il sera lapidé à mort, c'est quelqu'un qui a été déjà marié. Et ainsi de suite. D'accord ? Mais il dit, celui qui aura transgressé, qui aura commis un acte qui lui aura valu les sentences, et que celle-ci soit appliquée sur lui, alors cette sentence serait une purification pour lui. D'ailleurs, des sahaba, parmi des gens qui avaient commis l'acte interdit comme la fornication, venaient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et disaient, « Tahirni, purifie-moi de ce que j'ai commis comme acte. » C'est-à-dire, ils préfèrent être châtiés ici en ce bas monde qu'arriver devant Allah Azza wa Jalla avec la probabilité d'être châtié pour le péché qu'il aura commis. Et il sait que le châtiment de l'au-delà est pire encore. Donc regardez la force de leur foi, ils préféraient subir en ce bas monde, sachant que cela leur vaudra d'être pardonné pour ce péché-là en particulier, Yom al-Qiyam. Donc ils allaient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et avouer leur délit eux-mêmes pour être purifiés par la sentence de la législation de la charia islamique. Donc toute personne qui aura fait cela subit, hormis le shirk. Comme vous le savez, celui qui meurt sur le shirk, shirk akbar, il ne sera pas pardonné. Il sera au feu éternellement. Quel que soit le bien qu'il aura commis à côté, qu'il aura fait à côté. Quant à celui qui aura fait du shirk asrar, il y a une divergence, comme vous le savez. Min al-ulama man qala annahu taht al-mashi'a, insha'allahu 'afa 'anhu wa insha'a 'adzaba. Il y a des savants qui disent que si Allah il veut, il le châtie, s'il veut, lui pardonne. Mais la parole qui paraît comme étant la plus forte, c'est que celui qui aura fait du shirk asrar, il sera mort dessus sans tawba, sera châtié au feu également. Finira pour en sortir, mais il passera un temps au feu. car Allah, comme il l'a dit dans le Coran, dans le sens qu'il ne pardonne pas qu'on lui exauce quoi que ce soit, ni Akbar ni Asrar. Cependant, le Asrar ne fait pas sortir de la communauté. Donc, il finira par aller au Jannah. Cependant, il sera châtié quand même. Wallahu ta'ala alam. Donc, le Fissoua, le Salis, par le Tis'in, 196e question. Mal jam beyna kolihi sallallahu alayhi wa sallam fi adal hadith, فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه بينما تقدم من أن من رجحت سيئته بحسناته دخل النار. Donc il a dit maintenant c'est quoi le lien, comment joindre entre la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith qu'on vient de voir à propos des gens qui auront transgressé, que leur contre vient à Allah, s'il veut il leur pardonne et s'il veut il les châtie. Et ce qu'on a dit auparavant comme adillah qui montre que celui dont les mauvaise action, l'emporte ses bonnes actions, finira par entrer au feu. Il y a un hadith qui dit que celui qui aura plus de mal que de bien rentrera au feu, et un autre hadith qui dit que celui qui n'aura pas fait de shirk, mais qui aura commis une transgression, son affaire revient à Allah. S'il veut, lui pardonne, s'il veut, hein, il le châtie. Il dit, « La munafat baynahuma fa inna man yasha Allah an ya'fu anhu, yuhasibu al-hisab al-yasir. » الذي فصره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض وقال في صفاته يدنو أحدكم من ربي عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيكرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. Donc il a dit que celui à qui Allah il veut, il lui pardonnera et il lui fera un rendu de compte facile. Et cela, ce rendu de compte facile, c'est lequel? C'est celui qui est l'exposition des péchés sans débat, comme on l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas de nikash, il n'y a pas de munakasha par rapport aux actes. Allah dit tu as fait, il dira oui j'ai fait. D'accord? Il dira oui j'ai fait. Comme dans le hadith qui était expliqué auparavant, dans lequel... Donc on parle dans le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah azawajal, votre Seigneur se rapprochera de l'un d'entre vous jusqu'à ce qu'il enlace. Maintenant, ça c'est parmi les sifat dont on ne connaît pas le comment. Mais il a dit, hatta yador alayhi kanafa. C'est en français, c'est enlacé. D'accord? C'est enlacé. Et lui, Allah azawajal lui dira, tu as fait telle et telle chose. Et il dira, oui. Et il dira, tu as fait telle et telle chose. Et il dira, oui. Et ensuite, Allah lui dira, je t'ai caché en ce bas monde, c'est-à-dire que ces actions que tu as faites, personne ne les a vues. Tu as toujours été camouflé, ça n'a pas été vu. Alors aujourd'hui, je te les pardonne. D'accord? Donc celui-là, c'est celui qui aura fait du mal, mais malgré tout, Allah Azawajal lui pardonnera. Et l'autre, أما الذي يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. Quant aux autres, ce sont lesquels? Ce sont ceux dont justement les rendus de compte, il y aura un débat qui sera, ils seront débattus. D'accord? Pourquoi tu as fait telle chose? Et le serviteur devra répondre. Et des fois, ils parleront pas, ce seront leurs membres qui parleront, et ainsi de suite. D'accord? Donc ceux-là, dont le compte sera débattu, eux iront au feu. Donc il y a des gens qui auront fait plus de mal que de bien, et malgré tout, Allah Azawajal leur pardonnera. Et d'autres qui auront fait plus de mal que de bien, et eux, ils entreront au feu. D'accord? Ils rentreront au feu. Et parmi eux, certains qui resteront plus longtemps que d'autres, en fonction du mal qu'ils ont fait. Plus ils auront fait de mal, et plus ils demeureront. Mais s'ils étaient des gens du Tawhid, ils finiront par sortir un jour pour rentrer au Jannah. كما جاء في الحديث القدسي عن أنس قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بمن الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك ب في الحديث يوبيل اللوف بمثلها يعني من الأرض يعني معفرة. Ô fils d'Adam, si jamais tu devais me rencontrer avec l'équivalent de la terre comme péché, mais tu me rencontres sans rien m'associer, alors je te rencontrerai et te pardonnerai tous ces péchés-là. C'est-à-dire quoi, je te pardonnerai? Ce n'est pas forcément le pardon directement sans rentrer par le feu. C'est le fait d'aller au feu, à la base, aller au feu, c'est pour justement expier les péchés avant d'entrer au Jannah. Ça rentre dedans. Mais au final, le pardon sera accordé au serviteur et finira par entrer au Jannah. طيب هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الدرس ونكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته